fait la liste qui mord la pauvre vieille de somme va ramasser du bois. Du bois mort à pour chauffer bonhomme, bonhomme qui va mourir. Mourir de mort naturelle, mélancolique elle va à travers la forêt blême où jadis elle rêva de celui qu'elle aime qui va mourir. Mourir de mort naturelle, rien n'arrêta le cours de la vieille qui moissonne. Le bois mort de ses doigts gourds, rien ni personne. Non, rien n'arrêtera ni cette voix de malheur qui dit quand tu rentreras chez toi tout à l'heure. Bonhomme sera mort, il sera déjà mort, mort de mort naturelle. Et cette autre et sombre voix montant plus profond d'elle, lui rappeler que parfois elle fut infidèle. Bonhomme mort, mort naturelle. Cette autre voix, sombre, dans du plus profond d'elle-même, lui rappeler que parfois elle lui fut un fidèle bonhomme qui va mourir de mort naturelle, de mort naturelle. Malgré la liste qui mord, pour brouiller les sommes, va ramasser du bois pour chauffer bonhomme qui va mourir, mourir de mort naturelle, mélancolique elle va à travers la forêt blême. Jadis elle rêva de celui qu'elle aime qui va mourir, mourir de mort naturelle.